ты джудука, ебать, ты одиминный. J'étais des 5 j'ai tout mis dans le sac en 10 minutes. Elle a vu mes liasses, ma tape, mon jambe, donc elle finit nu. Et si on passe à Watt, mon espérance de vie diminue. J'ai mis la vie, ça tous ses longs. Et si on le rate, mais je suis parano. J'ai coupé le picard à la coco. Je crois que j'ai assez du Yamamoto. En bas du bendo Yamamoto. Je vais les ramener, t'es pris sur ce blanc. Yamamoto, en bas du bendo Yamamoto, je vais les raver, t'es pris sur ce blanc.